Néhémie chapitre 4. Or il arriva que Sanballa, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité, et il se moqua des Juifs. Car il dit en la présence de ses frères, et des gens de guerre de Samarie, « Que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils, et achèveront-ils tout en un jour? Pourront-ils faire revenir les pierres des monceaux de poudre, puisqu'elles sont brûlées ?» Et Tobija, ammonite, qui était auprès de lui, dit, « Encore qu'ils bâtissent, si un renard monte, il rompra leur muraille de pierre. Ô notre Dieu, écoute comment nous sommes en mépris, et fais retourner leur opprobre sur leur tête, et mets-les en proie dans un pays de captivité, et ne couvre point leur iniquité, et que leur péché ne soit point effacé devant ta face, car ils ont usé de discours piquants, s'attachant aux bâtisseurs. » Nous rebâtîmes donc la muraille, et tout le mur fut rejoint jusqu'à sa moitié, car le peuple avait le cœur au travail. Mais quand Sanballa et Tobija, et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, eurent appris que la muraille de Jérusalem avait été refaite, et qu'on avait commencé à reclore ce qui avait été rompu, ils furent fort en colère. Et ils se liguèrent entre eux tous ensemble, pour venir faire la guerre contre Jérusalem, et pour faire échouer notre dessein. Alors nous priâmes notre Dieu, et ayant peur d'eux, nous posâmes des gardes le jour et la nuit contre eux. Et Juda dit, la force des ouvriers est affaiblie, et il y a beaucoup de ruines, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Or nos ennemis avaient dit, qu'ils n'en sachent rien et qu'ils n'en voient rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux, et que nous les mettions à mort, et fassions cesser l'ouvrage. Mais il arriva que les Juifs qui demeuraient parmi eux, étant venus vers nous, nous dire par 10 fois, « Prenez garde à tous les endroits par lesquels vous pourriez vous tourner vers nous. » C'est pourquoi je rangeai le peuple depuis le bas, derrière la muraille, sur des lieux élevés, selon leurs familles, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Puis je regardai et me levai, et je dis aux principaux et aux magistrats, et au reste du peuple, « N'ayez point peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Et quand nos ennemis eurent su que nous avions été avertis, Dieu dissipa leurs conseils, et nous retournâmes tous aux murailles, chacun à son travail. Depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient, et l'autre moitié tenait des javelines, des boucliers, des arcs et des corselets, et les gouverneurs suivaient chaque famille de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui chargeaient les portefaix, travaillaient chacun d'une main, et de l'autre ils tenaient l'épée. Car chacun de ceux qui bâtissaient, était ceint sur ses reins d'une épée, et ils bâtissaient ainsi équipés, et le trompette était près de moi. Car je dis aux principaux et aux magistrats, et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes écartés sur la muraille loin l'un de l'autre. En quelque lieu donc que vous entendiez le son de la trompette, courez-y vers nous, notre Dieu combattra pour nous. C'était donc ainsi que nous travaillions, mais la moitié tenait des javelines, depuis le point du jour, jusqu'au lever des étoiles. Et en ce temps-là, je dis au peuple, que chacun avec son serviteur, passe la nuit dans Jérusalem, afin qu'il nous serve la nuit pour faire le guet, et le jour pour travailler. Et moi, mes frères, mes serviteurs, et les gens de la garde qui me suivent, nous ne quitterons point nos habits, que chacun vienne avec son épée, et avec de l'eau.